Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Certains affirment que dans la vie, il faut savoir jouer gros pour gagner gros. Et ce n'est pas notre invité qui nous dira le contraire. Bonjour, Phileas Fogg. Bonjour, Laure. Bonjour à toutes et à tous. Mon aventure, Jules Verne l'a appelé le tour du monde en 80 jours. Et tout a commencé, en effet, avec un pari complètement fou. Le 8 octobre 1872, vers 18h15, Phileas Fogg, oui, celui-là même que nous venons d'entendre, cet élégant et raffiné gentleman anglais, savoure un petit whisky au Reform Club, un lieu extrêmement prisé de la ville de Londres. Assis près de la cheminée, notre héros, comme tous les soirs, est plongé dans le journal. Eh oui, Laure, j'ai mes petites habitudes. Je suis réglé comme un coucou suisse. D'ailleurs, 3... 2, 1, coucou, coucou, il est 7h. Soudain, un drôle d'article attire son attention. Incroyable! Avec les moyens de transport actuels, il serait désormais possible de faire le tour du monde en 80 jours. Foutaise, balivernes! Lance une voix de l'autre côté du salon. Et pourquoi donc, Sœur Nugget? La Terre mesure 40 975 km. Mathématiquement, ça se tient! Voyons, Mr. Fogg, même vous, l'homme le plus ponctuel de notre pays, vous ne pourriez pas. Dans la vie, il y a toujours des imprévus. L'imprévu n'existe pas. Je vous parie 20 000 billets qu'en partant dès ce soir, je peux faire le tour du monde en 80 jours et être de retour dans ce club le... 2 plus 30, plus une semaine, plus 50, moins 2... Oui, c'est ça. Le samedi 21 décembre 1872. Paris tenu. Et ainsi, ce 2 octobre 1872, à 20h45 précise, emporté par un train qui roule à toute allure, Phileas Fogg, accompagné par son nouveau secrétaire, Jean Passepartout, quitte la ville de Londres. C'est le début d'une folle course contre la montre. Le lendemain, notre héros et son pari complètement dingue font la une de tous les journaux. C'est lui! C'est notre homme! S'exclame le célèbre inspecteur Fix en beurrant ses tartines. Il y a une semaine, en effet, un mystérieux voleur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre Phileas Fogg a dérobé pas moins de 80 000 billets. Il faut l'arrêter! Et hop! Fix saute dans sa voiture. Pardon, inspecteur. Vous n'oubliez pas quelque chose? Non, je ne crois pas. Mais enfin, vous êtes en slip! Oups! Phileas et Passepartout, de leur côté, n'ont pas perdu de temps. À bord du paquebot Mongolia, ils traversent la mer d'Arabie en direction de l'Inde. Et il semblerait qu'ils ne soient pas les seuls. Oh, incroyable! Fix a réussi à les rattraper. Dissimulé derrière une perruque blonde et une longue moustache rousse, le célèbre inspecteur se la joue. Incognito. Tant que je n'ai pas reçu mon mandat d'arrêt, impossible de les coffrer. En attendant, je dois les suivre à la trace sans me faire repérer. Enfin, par un petit matin clair, le paquebot entre dans le port de Bombay, sur la côte ouest de l'Inde, avec 2 jours d'avance. À toute vitesse, Phileas et Passepartout se dirigent vers la gare où, trompés de sueur, ils sautent dans un train qui doit les conduire jusqu'à Calcutta, de l'autre côté du pays. 17h, 14 minutes et 29 secondes, nous sommes parfaitement à l'heure. À travers les vitres du wagon, les deux aventuriers découvrent, émerveillés, la jungle indienne. Humide, jaillissante, touffue et sauvage. Purée, un léopard. Et là, un tigre. Soudain, le train s'arrête. Tout le monde doit descendre. La voie de chemin de fer n'est pas terminée. Comment ça? Mais ça va nous retarder. Bon, allez, pas de panique. Fogg, plein de ressources, achète un éléphant et trouve un guide. Monsieur, emmenez-nous à Calcutta. Nous avons 3 petits jours et pas un de plus. Youhou! C'est parti! À l'orée d'un village, ils entendent, au loin, un boucan d'enfer. Curieux, ils s'approchent. Oh bah, y a du monde, dis donc. Descendus de leur éléphant, ils se faufilent à travers la foule. Un bûcher géant. Et là, une femme. Sapristi, elle va être brûlée. D'après ce que je comprends, elle est veuve. Explique alors leur guide. Et puisque son mari est mort, ils vont la zigouiller aussi. Bon, c'est sûr que dit comme ça, ça fait passer les Indiens pour des barbares. Mais puis-je me permettre une petite précision, Laure? Allez-y, je vous en prie. Cette aventure se déroule il y a plus de 200 ans. Aujourd'hui, ce genre de pratique, c'est évidemment interdit en Inde. C'est tout à fait exact. En attendant, il faut sauver cette femme. Ni une ni deux. Passepartout, sans être vu, se cache derrière le bûcher et dès qu'on approche la jeune femme, boum, il surgit et la sauve. Et maintenant, courez! Vite, les 3 hommes et la jeune femme sautent sur leur éléphant. Fonce, petit éléphant, fonce! Bravo, Passepartout, bravo! Et vous, mademoiselle, quel est votre prénom? Oh, je m'appelle Aouda. Eh bien, chère Aouda, bienvenue dans cette folle aventure! ...30 km plus loin, coup de bol, il tombe sur une gare. Les trains fonctionnent de nouveau à partir de là. En 24 heures, vous serez à Calcutta. Génial! Merci, mon vieux! Et adios! Entouré d'immenses montagnes vertes, ils suivent le majestueux fleuve Gange qui se déploie tel un ruban magique, tantôt à gauche, tantôt à droite, jusqu'à la ville de Calcutta. Le temps de déguster quelques délicieux poissons Kaniraji, nos deux camarades, toujours accompagnés d'Aouda, embarquent à bord du paquebot Rangoon. Direction Hong Kong! Nous sommes le 25 octobre, cela fait 23 jours que Phileas et Passepartout ont quitté l'Angleterre. Tiens, tiens, tiens. J'aperçois sur le pont une perruque rouge et une longue moustache blonde. Serait-ce? Et oui, c'est bien notre inspecteur Fix, toujours en filature. Hong Kong, c'est ma dernière chance pour recevoir un mandat. La nuit du 4 novembre, une terrible tempête se lève. Devant les vagues qui s'agitent, crachent et se fendent, Phileas, impassible, réfléchit. La tempête va nous retarder d'au moins 24 heures. Zut, nous allons rater notre bateau pour le Japon. Mais une fois encore, la chance est avec eux. À peine débarqués à Hong Kong, ils apprennent que le Carnatic, leur prochain bateau, retardé par les intempéries, ne partira que le lendemain. À la bonne heure! Là-bas, caché dans un petit coin, Fix enrage. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Le soir même, l'inspecteur suit Passepartout jusqu'à une taverne. Le prochain coup à boire, il est pour moi. Malin, il sait comment nouer le contact. 2 bouteilles de Porto plus tard, tandis que Passepartout se met à raconter quelques blagues. Hé, les gars, comment on appelle un lapin sourd? Fix le drogue avec de l'opium. Lapin! C'est qui va rater son bateau et retarder tout le monde? Oh purée, quel sale coup! N'empêche, ça marche. Le lendemain, Fogg et Aouda poireautent sur le port de Hong Kong. Mais où est-il, ce pauvre diable? Un bateau passe, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis 1000. Que faire? Bon, allez, Aouda, on embarque. Au même moment, dans sa taverne, Passepartout se réveille, encore tout groggy de la veille. Oh mince, le bateau! Vite, il court jusqu'au port, mais c'est trop tard. Oh non, pauvre idiot, te voilà tout seul. Vous Un cirque? Hé, hey, attendez-moi! Une semaine plus tard, dans la ville de Yokohama, à l'est du Japon, Phileas Fogg et Mademoiselle Aouda courent. Encore? Eh ben oui, encore! Chaque seconde compte! Soudain, Aouda s'arrête. Mr. Fogg, regardez! Au milieu de la rue, entouré par une quinzaine d'acrobates en pantalon de soie, Passepartout chante, la tête en bas, une toupie sur la plante du pied gauche, un sabre sur celle du pied droit. Phileas! S'écrie-t-il en apercevant à son tour son vieux camarade. Vous ici? Ma foi, oui! Eh bien, venez vite! Maintenant que le destin nous a réunis, courons jusqu'au bateau! Direction San Francisco! C'est ainsi que Passepartout, encore en costume de scène, interrompt brutalement sa nouvelle carrière dans le cirque. Trois heures plus tard, emportés par le paquebot General Grant, nos trois acolytes traversent l'océan Pacifique jusqu'à la ville de San Francisco. Puis, le 4 décembre, un train les conduit à toute berzingue à travers les États-Unis. Épuisés, ils arrivent à New York le 11 décembre. Hélas, un mini-chute trop tard. Nous avons loupé notre paquebot ! Qu'à cela ne tienne ! Phileas, plus déterminé que jamais, achète un bateau. Dix jours plus tard, ils débarquent à Liverpool. Oh, incroyable ! Ils sont en Angleterre, à quelques centaines de kilomètres de Londres ! Nous sommes le 21 décembre, il est 11h40 du matin, six petites heures de train les séparent de la capitale. C'est ultra serré, mais oh purée ! Ils peuvent y arriver ! Hélas, c'est sans compter sur l'inspecteur Fix qui surgit tout à coup du brouillard. Au nom de Sa Majesté, Monsieur Fogg, je vous arrête. Comment ? Maintenant ? Eh oui, alors, j'ai fini par recevoir mon mandat. Pour les crapules tels que lui, ça se termine toujours en prison. Enfermé à triple tour, notre Phileas Fogg broie du noir. Oh, c'est fichu. Tout est fini. Soudain, coup de théâtre, la porte de sa cellule s'ouvre. Au nom de Sa Majesté, je vous libère. Ah bon ? Ah bon ? Oui, en fin de compte, il est apparu que ce n'était pas vous, le voleur. Tout ça pour ça ? Bref, pas une seconde à perdre. Phileas, Passepartout et Aouda filent à la gare. Et hop, ils sautent dans le wagon qui les emporte vers la brillante capitale de l'Angleterre. Tout le temps du trajet, Phileas a les yeux rivés sur sa montre. Je dois être au club au plus tard à 20h45. Mon Dieu, il est déjà 19h30. Allez, petit train, allez. Enfin, le 21 décembre 1872, Phileas Fogg, tout débraillé, passe la porte du fameux Reform Club. Il regarde sa montre. 20h50. 5 minutes de retard. Eh bien, soit. Cette fois, j'ai vraiment perdu mon pari. Wow, wow, wow, pas si vite. Et le décalage horaire, alors? En réalité, vous n'êtes pas arrivé le 21 décembre, mais le 20. Vous avez un jour d'avance. Et ainsi, Phileas Fogg finit par remporter son pari fou. Ouais. Qu'a-t-il gagné, au juste? Rien. Enfin, si, tout. La découverte, l'amitié, l'aventure. Et aussi, l'amour. Sapristi, Aouda! Phileas, voulez-vous m'épouser? Oh, oh bah, quelle femme! Mais oui! Triple fois oui! Toutes mes félicitations! Et si je puis me permettre, allez-y mollo sur les paris. « Derrière cet épisode, il y a Juliette Proto, Marion Lelay, Frédéric Pommier, Benjamin Orgeret, Quentin Lui, Jules Verne et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.